piégé système, le service ils n'ont rien payé. Maintenant qui chie au tout bas. Et l'État fils, KM Service, Alain Djaba. Les loyaux lobinga na yo tati kanana kokate. Na sengi na yo kakabo libisi yo libisanga. Neke ale makate kopi mwana mapapunzambe a pesa ye. Makanaki de Lucerne, Makaro la première dame d'Anvers. Ana yo toti kanana kokate. Na sengi na yo kakabo libisi yo libisanga. Neke ale makate kopi mwana mapapunzambe a pesa ye. Moje beyo ko Max Mayaka amba de makambo de gas kusumano. Olingo eloko ebanda kanada muna eva. Jean-Pierre et Dinele, Nancy Bekombe. Est-ce qu'on peut qui compte qui ça? Et balé et sur la terre. Alors, pe qui ça peut vous la nalicolo et nos patins? Kasi monte, manama, compé qui ça te l'élite ailleurs. Manon spaghetti, mais rêvé, Paulina, mon deck, Florent qui essaie. Jamais un jour le ciel ne tombera. Au bateau, basse-toi, kina, bolingo, basse-toi, ni chili, loupé. Non, non, non, même si. Même si tu ne veux plus me voir. Salario soto puta nanayo eh. Dita mwamba. Même si tu ne veux plus danser, Zaiko te fera toujours danser. Conseil Yengi, Michel Biflo. Kasima.